Le premier baiser par Georges de Lys. L'échevellement des notes tapageuses balayées par le roumeau des traînes emportait les couples dans une valse folle à l'heure où les bougies font éclater les bobèches, où les effluves humains dominent la délicatesse des fleurs et l'épice des parfums. Les femmes à l'anguille s'abandonnaient, les traînes des hommes se faisaient plus libres. Adossés au chambranle d'une fenêtre, dissimulés à demi par la tombée lourde des rideaux, Henri Lombreuil voyait Blanche se livrer à l'enlacement de Jacques Timory et lui sourire de si près qu'un baiser était déjà dans ce sourire. Toute la nuit, le malheureux s'était acharné sur les pas de cette femme, sienne naguère, aujourd'hui étrangère, l'avait enveloppée de sa présence. Elle n'avait point daigné s'en émouvoir, s'en apercevoir même. Et cette chose était possible qu'après avoir été l'aimée, avoir vécu de la même vie, elle en tomba à cette indifférence. Ce divorce voulu, Lombreuil maintenant le jugeait fou. Il ne pouvait admettre que la place désertée par lui pût être possédée par un autre, qu'un homme régnât en son lieu, dans ce cœur jadis parfumé d'amour par lui, le mari déchu. La joie de Blanche dans les bras de ce bel âtre attisait chez Henri une jalousie furieuse, rallumait l'amour ancien naguère dédaigné. L'inclination nouvelle de sa femme devenait aux yeux de l'homme la profanation du passé. Sa colère lui révélait qu'il aimait encore Blanche, qu'il l'avait toujours aimée. Sa mémoire remontait aux heures douces, en savourait la caresse. Il sentait le premier frisson de l'épouser frémir contre son propre cœur. De l'éclosion nuptiale s'étaient épanouies des fleurs de tendresse, dont il s'était fait une gerbe de volupté, embaumée comme les muguets des bois, fraîche comme les blancs rideaux du lit virginal, dont la tombée abrite la nichée des jeunes amours. Il se souvenait. Elle seule avait donc oublié. Oublié. Était-il possible qu'une femme ne gardât pas indélébile en elle l'empreinte de la caresse révélatrice du premier baiser? Le mystère révélé ne demeure-t-il pas gardé par la sainte pudeur, comme l'hostie par les portes d'or du tabernacle? La Vierge, enfin, en devenant femme, n'est-elle pas jamais marquée du sceau originel? Et Blanche aurait oublié? Henri rechercha les causes primitives du malentendu, ainsi nommait-il en ce moment ce qu'il appelait auparavant ses griefs, du malentendu, qui les avait désunis. Il ne les trouva plus. Pourquoi l'amour s'était-il évadé de leur intimité chère? Pourquoi? Troublante énigme de la vie, mot plus redoutable qu'un fait et qui déconcerte. Ravagé d'angoisse, il ne pouvait se croire l'homme qui, quelques heures plus tôt, avant la rencontre de Blanche dans ce bal, portait si allègrement sa liberté reconquise et s'en prétendait heureuse. Il lui semblait irréel d'avoir vécu un instant sans le regard de l'amour perdu. Avait-il donc été aveugle, ou sa propre dupe? Ah, si sa conscience écoutée lui avait expliqué une des lâches causes de sa torture, il se fût révolté comme sous le cinglement d'un soufflet, et véritablement, son regret tenait en partie dans le désir d'un autre, son amour ressuscitait de la blessure faite à son orgueil. Il se rappela avoir jadis supplanté ce Timory dans les bonnes grâces d'une divette. Ce souvenir lui fut un bref réconfort, mais son exaspération rebondit plus haut. Il ne voulait pas que cet homme eût sa revanche. Jamais, jamais Blanche ne serait à Jacques. Lombreuil eut l'idée folle d'une provocation, là, en plein bal. Une lucidité dernière le contint. Ne risquait-il pas ainsi de rendre son rival plus cher à la jeune femme? Machinalement, il avait gagné le vestibule dans le sillage de Blanche. Jacques Timory montait d'une pelisse, les épaules nues avec des gestes enveloppants qui semblaient préluder à l'étreinte. Henri fut violemment tenté d'arracher la fourrure des mains profanatrices, de reprendre la femme, de l'emporter reconquise. Le pli de son éducation correcte dompta sa fougue. Il redoutait d'ailleurs l'insuccès probable et le scandale certain. Il serait dit et sortit le premier. Une nouvelle angoisse l'immobilisa dans la rue. L'excitation nerveuse de sa rage s'effondrait, l'abandonnait au désespoir. Tout était perdu. Le Timory était aimé, il lui avait volé sa Blanche au cœur désormais inaccessible. Il demeurait sur le trottoir, anéanti. Cependant, il voulut voir. Le coupé débouchait de l'allée. Lombreuil, d'un bond, s'avança si près que les roues l'effleurèrent. Un sanglot le soulagea, elle était seule. Mais derrière la voiture apparut Jacques. L'ombreuil se carra sur sa route. Impérieusement, il demanda « Où allez-vous » Timori toisa son interlocuteur, le reconnut. Il déclara dans un mauvais sourire « Mais chez moi, cher ami. »« Non, vous allez la retrouver. » balbutia Henri, frémissant. « Mon cher, » riposta flegmatiquement Jacques, « vous donnez-vous le ridicule d'une jalousie posthume. Je vais chez moi, vous ai-je dit, mais irai-je ailleurs que personne n'aurait de compte à me réclamer ?» Il se disposait à passer outre, l'ombreuil l'arrêta. « Si, moi. » « C'est une querelle que vous me cherchez, soit. Je suis à vos ordres. Permettez-moi seulement de vous faire observer que si vous réussissez à me tuer, ma mort ne vous rapprochera pas de votre ancienne femme. Vous lui serez odieux, et ce sera votre seul profit. Ensuite, cette jalousie inattendue vous engage dans une voie qui peut et doit vous être fatale. Madame Blanche de Sauge n'est plus Madame Henri Lombreuil. Elle est libre, jeune, riche et belle. D'autres que moi seront tentés de lui plaire. Vous ne pourrez les tuer tous. » Abasourdi de ce sang-froid, Lombreuil se taisait. Jacques conclut. « Soyez tranquille, je rentre chez moi ce soir, ce matin plutôt. Faites de même, vous réfléchirez. Le sommeil calme la fièvre. Ensuite, si vos idées sont pareilles, vous me trouverez toujours. Au revoir, cher monsieur. » Il salua et s'éloigna d'un pas dégagé. Henri demeurait sur le trottoir, immobile. Une idée germait en lui, obsédante, il la subit. Il n'y va pas, moi j'irai. Il se précipita dans la direction suivie par la voiture de Blanche. Frileusement mitouflé dans ses fourrures, rencogné au fond du coupé, la jeune femme était agitée par l'assaut des ressouvenirs et s'étonnait des sensations contradictoires qui, durant la nuit, l'avaient tour à tour enorgueillie, irritée, émue enfin. Troublée d'abord, à son entrée dans le bal, par la rencontre brusque de l'homme dont elle avait porté le nom, Blanche s'était cabrée dans son ressentiment et son orgueil la cuirassa de dédain. L'insistance de Lombreuil à l'escorter de ses pas et de ses regards, après l'avoir gênée, puis irritée, lui octroya la vanité d'une revanche. Il la trouvait donc belle, elle lui tenait donc au cœur. La rupture n'avait pas balayé tous les vestiges du passé, elle régnait encore sous le transfuge. Mais dès que Jacques l'eut abordée, l'inquisition de Lombreuil lui fut lourde et bientôt outrageante. Que venait faire cet homme dans l'espérance d'amour à laquelle s'ouvrait son âme meurtrie? Une colère la souleva. Le mari avait volontairement abdiqué ses droits. Il était dès lors bien impudent de se prévaloir du passé pour entraver l'avenir. Henri souffrait. Sa face convulsée criait la torture. Qu'importe? Elle aussi, par lui, avait souffert. Et maintenant, libérée, elle aspirait au bonheur. Alors, dans une rage contre le fantôme de ce passé répudié, elle avait insulté le téméraire de ses coquetteries auprès du nouveau venu, lui avait montré que désormais elle était libre, et qu'en son lieu trônait Jacques qu'il aimait et qu'elle voulait aimer. Cependant, le geste jaloux et douloureux qui avait jeté Henri contre la glace du coupé révolutionna Blanche. Seule, elle s'abandonna peu à peu à évoquer les belles heures de leur amour, car alors il l'aimait, elle aussi l'avait aimé. Et d'un flot, l'assaillaient les inoubliables griseries de leur robe d'amour, la suavité des jours où, fiancés, leurs mains se frôlaient, fiévreuses et câlines, leurs yeux s'éperdaient dans le même rayonnement. Puis le mariage la fut en wagon, côte à côte, dans une intimité qui la brisait de frayeur et de joie. Enfin, la révélation du lien créé entre eux par la communion du baiser, les semaines de passion à travers l'Italie, cette Italie des poètes et du rêve dont les merveilles s'évanouissaient devant une seule contemplation, celle du bien-aimé. Le bien-aimé, ironie, 2 ans ne s'étaient point écoulés qu'il était devenu l'odieux maître. L'origine du mal, assez difficile à préciser, vraiment. Après les beaux jours du voyage, les quelques mois exquis dans la retraite du manoir familial, très loin de tout et de tous, mais que peuplaient les divines naïvetés de leurs amours, les arbres avaient perdu leurs feuilles, triste présage de la chute des illusions. Les pluies étaient venues, rendant la campagne inhabitable, et le funeste Paris les avait repris. Là, Henri avait retrouvé ses camarades de club, de course et de plaisir. Progressivement, il avait délaissé le foyer. D'abord, elle avait pleuré et n'avait pas su cacher la rougeur de ses yeux au mari que ses traces de chagrin agaçaient, quand elles eussent dû l'attendrir. Alors, dépitée, elle avait voulu, de son côté, jouir du monde qui la trouvait belle et lui faisait fête. Ses succès forceraient bien Henri à la regarder et à la juger digne de plaire. Il s'était même donné, pour ne point paraître ridiculement amoureuse, la coquetterie d'un flirt. Oh, sans conséquence, sans danger aucun, puisque malgré tout, elle aimait son mari. Peut-être même flirtait-elle au profit de son amour. Elle espérait que la jalousie lui ramènerait l'oublieux. Mais Henri était resté indifférent au manège de sa femme, et cette insouciance avait été pour Blanche le plus incriminable grief. Maladroitement, elle l'avouait, elle s'était crue en droit de bouder. Henri, énervé, ne s'en était montré que plus rare au logis. Elle avait aggravé le mal en se livrant à une scène de reproche qui, lamentablement, s'était terminée par une crise de nerfs. Dès lors, l'aigreur s'était installée entre eux. Les mots piquants et durs aggravèrent le mal. Blanche se trouva seule, dans la vie, après avoir cru au bonheur, plus cruellement encore, après l'avoir goûté. Seule, hélas, elle le comprenait. Son malheur le plus grand avait été de ne pas être mère. Elle courbait le front à cette pensée. Elle n'avait pas eu d'enfant parce qu'elle n'en avait point voulu avoir. Les mauvais conseils, les perfides causeries d'amis, lui avaient fait redoutables les fatigues de la grossesse, les ennuis de la chaise longue et surtout l'altération de sa beauté. Ainsi, avant la sanction légale, le divorce était accompli. Elle osa, de rage, en aborder la question, proposer la séparation décisive à son mari. Ah, là était l'injure inoubliable. Elle revoyait Henri, assis tranquillement au coin de la cheminée, en train de humer son café à petites gorgées, l'écoutant comme elle lui offrait de rompre leur union mal assortie. Il se levait d'un sursaut joyeux et l'humiliait d'un cri outrageant. « Ah, je ne demande que ça, ma chère !» Et là-dessus, il savourait un verre de sherry brandy et allumait une cigarette. Aurait-il été elle, si elle eût été mère? Elle n'osait répondre à cette interrogation intime. Dans son orgueil blessé, Blanche n'avait point voulu se dédire. L'instance en divorce, sous un prétexte convenu, avait été introduite dès le lendemain. L'ombreuil, piqué, avait activé la procédure, si bien que, le temps légal révolu, tous deux s'étaient séparés, sans l'apparence d'un regret. Et cependant, durant ces nuits solitaires, Blanche avait pleuré. Mais ses larmes maintenant lui retombaient sur le cœur pour en aciduler la haine. Le roulement du coupé sous la voûte d'entrée interrompit la rêverie de la jeune femme. Elle gagna son appartement. Sitôt dévêtue, elle congédia sa femme de chambre, mit un peignoir et, incapable de dormir, s'installa au coin du feu, reprise par les remembrances du passé. Elle aurait dû être joyeuse, ayant eu cette nuit sa revanche dans l'angoisse de l'homme qu'il avait jadis méprisé, et qu'elle avait senti pantelée à son tour sous son dédain, cet homme qu'elle avait torturé de ses coquetteries avec Jacques. Eh bien, cette revanche, dont elle avait amèrement joui, la laissait morne. Sa victoire la brisait comme une sanglante défaite. Fouettée dans sa rancune par la présence de son mari, elle avait pu sourire à Jacques, se créer un instant l'illusion qu'elle pourrait aimer encore. Dans la solitude présente, elle comprenait que l'amour arraché avait laissé des racines qui enlaçaient son cœur, buvaient ses sèves et qui étoufferaient toute nouvelle semence. Le passé mort tuait en elle l'avenir. Oh, elle avait le droit de haïr l'homme qui, après avoir cueilli la fleur de sa jeunesse, l'avait rejeté dans la vie, au fond des ténèbres, où ne pénètre plus l'air qui embaume et le soleil qui vivifie. Elle aurait voulu tenir là cet Henri suppliant, pour le bafouer de son mépris, le cingler de sa fureur, se venger enfin. Blanche étouffa un cri. Ses yeux s'élargirent d'épouvante, la porte de sa chambre s'ouvrait, un homme était là, pâle, devant elle. L'hôtel, bien total de Madame de Sauges, était situé à l'angle de l'avenue Velasquez et par la grille de son jardin communiquait avec le parc Monceau. Sur l'avenue, Henri Lombreuil s'était arrêté devant la porte sans oser éveiller le timbre. Les difficultés de son projet se dressaient, barrant la route. Perplexe, il fouillait dans ses poches, d'un geste machinal, quand le cliquetis d'un trousseau de clés le galvanisa de son tintement clair. Il possédait encore les clés de la petite grille et de son ancien cabinet de travail qui s'ouvrait de plein pied sur le jardin. Il courut à l'entrée du parc. Dans la pénombre de la nuit mourante, il vit se dresser les grilles closes. Déjà, il désespérait. Une équipe de balayeurs parut, s'avança, pénétra dans l'enceinte par la porte bâtarde. Lombreuil se glissa derrière eux, tourna les barrières mobiles qui, la nuit, obstruaient les allées, et parvint au logis par lui déserté. Au premier étage, une lueur filtrait des persiennes. Blanche veillait. Sans bruit, il ouvrit, traversa la pelouse, s'introduisit dans le cabinet. D'un pas de voleur, il gravit l'escalier, apeuré par le moindre craquement, et parvenu à l'appartement de Blanche, posa la main sur le bouton de la porte. Une dernière hésitation le laissa là, tremblant d'être jeté dehors par les gens de la jeune femme, craignant surtout d'être foudroyé par son dédain. Mais il avait trop souffert cette nuit, il redoutait trop le fait menaçant qui le chasserait irréparablement de la pensée de Blanche au profit d'un rival. Rien ne pouvait arrêter maintenant sa tentative suprême, il était prêt à tout, mais ne voulait pas être oublié. Il entra. La stupeur de la jeune femme lui assura un répit contre son appel et le scandale. Il s'approcha d'elle et s'agenouilla à ses pieds. Elle le regarda, ne trouvant plus les paroles dont elle rêvait de le flageller, et de ses lèvres, seul un sanglot jaillit. Cet aveu de faiblesse bouleversa l'ombreuil tout en l'éclairant d'une espérance. Il murmura très bas « Pardon ». Mais si bas qu'il eût été prononcé, ce mot rompit le charme du silence. Blanche se ressaisit et aussitôt debout s'écarta du suppliant. Il répéta « Pardon ». La colère débordait à nouveau dans la jeune femme, noyant les sentiments secrets du cœur. Elle répondit « Jamais ». Henri courba le front et de nouveau pesa le silence. L'énervement de cette scène muette abolit Blanche plus que toute prière. La douleur manifestée par l'humble posture et l'accablement de cet homme, connu si hautain, fléchit son courroux. Elle attribua à la pitié cette révolution qui n'était autre que le réveil de son cœur. Elle étouffait. Largement, elle ouvrit la fenêtre et aspira l'air matinal. L'azur foncé du ciel se dégradait vers l'Orient. Une à une, les étoiles éteignaient leurs lueurs expirantes. L'aube nuançait l'horizon d'une pâleur diffuse dont la diaphanéité et incolore semblaient un morne sourire. La nuit, en s'effaçant, traînait sur le deuil des arbres décharnés par l'hiver un dernier voile de crêpe, impalpable, mais incurablement triste. Cependant, la brise plus douce apportait des senteurs de sève avant-coureuses du printemps. Aux pointes des lilas se hasardaient de frileux bourgeons, et l'âme parfumée des premières violettes montait du sol comme la caresse d'une haleine douce. Une auréole, à peine rosée, effleura l'horizon, s'élargit, emplit les terres, éclaboussa d'or le ciel, puis un point lumineux surgit, le soleil se levait. Henri s'était redressé, et droit derrière Blanche, il avait contemplé la mort de la nuit et la renaissance du jour. Tous deux, par une communion mystérieuse, avaient vu l'ombre agoniser dans la résurrection triomphale du soleil, et à la fois, ils songèrent que le présent ténébreux pouvait s'évanouir dans un renouveau d'amour. Ils se regardèrent, ils s'étaient compris. « Ma femme !» sanglota Henri, et dans les bras qui s'ouvraient, Blanche défaillit, reconquise à l'initial baiser. Georges de Lys.